Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une histoire de vampire. Darren est un adolescent de 14 ans comme tous les autres. Il traîne avec ses copains, travaille pas trop mal à l'école et évite les embrouilles. Mais quand il tombe un beau jour sur un cirque de monstres ambulants, les choses commencent soudain à changer. Et ce, exactement au moment où le vampire Larten Krebsley le change en une créature assoiffée de sang. Et si je veux pas, moi, d'une vie où tout est déjà planifié et où on décide pour moi? Ça craint vraiment ici, c'est mortel! Avez-vous 21 ans tous les deux? Dites oui. Oui. Veuillez entrer, le spectacle va commencer. Bienvenue au Cirque du Fric. Ouais, trop cool. Merci à vous, mesdames et messieurs. Darren, j'ai déjà vu sa tête dans un de mes livres. C'est un vampire. Les trans, vous aimez? Y'a quelqu'un? Darren, tu veux vraiment devenir vampire? D'accord. Bienvenue au cirque. Vous tuez pas les gens? Non, Darren. On les endort, on pratique une petite incision dans l'épaule et on siffle une gorgée. Très rafraîchissant. L'assistant du vampire, avec Salma Hayek, Willem Dafoe, un DVD Universal.